force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui se sent trahi par un proche. Laisse-moi te dire que même Jésus a été trahi par un proche, Judas Iscariote. Et sa trahison a concouru à l'histoire du salut de l'humanité. Même cette trahison, ma sœur, que tu viens de connaître, le Seigneur est capable de transformer pour ton bien. Cesse de regretter. Ne dis pas, je ne peux plus faire du bien à quelqu'un. Non, le Seigneur va te récompenser. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ton voisin, réveille ta femme. Nous allons prier, nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 78, versets 56 à 72. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons psaume 78, 56 à 72. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il les prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec les mains intelligentes. Amen. Je voudrais partager avec vous deux grandes vérités tirées de cette portion du psaume 78. Première vérité, notre désobéissance à Dieu a des conséquences néfastes. Je vais dire à quelqu'un, si tu choisis de désobéir à Dieu, sache qu'il y a des conséquences qui peuvent s'en suivre. Tu es chrétien. Tu as été instruit dans l'éducation chrétienne. Surtout si tu as des parents qui sont des serviteurs de Dieu, des responsables d'église, tu seras jugé durement parce que tu connais beaucoup de choses. Tu as reçu l'enseignement depuis la maison jusqu'à l'église. Non, tu ne dois pas vivre dans la désobéissance parce que la désobéissance entraîne des conséquences. Ici, nous voyons ce qui s'est passé avec Israël. Les enfants d'Israël, malgré les bienfaits de Dieu, ont continué à pécher, à désobéir à Dieu. Qu'est-ce que ce psaume dit au verset 56? Mais ils tentèrent le Dieu très haut. Et se révoltèrent contre lui. Tu ne dois pas tenter Dieu. Tu ne dois pas te révolter contre Dieu. Je vais parler à une femme. C'est vrai que tu as des problèmes avec ton mari. Mais il ne faut pas te révolter contre Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu fait ça. Non, c'est Dieu qui t'a donné cet homme. Ce que tu dois faire, c'est de fléchir tes genoux au lieu de te révolter contre Dieu. Tu ne dois pas retourner dans le monde sous prétexte que ton mari t'a déçu. Ton mari t'a trompé. Non, toi tu dois rester attaché à ton Dieu. Tu ne dois pas faire comme lui. Je veux parler à toi, femme. Tu m'entends? Tu as déjà pris un rendez-vous avec ton ancien amant. Ne fais pas ça. Sinon, Dieu risque de te châtier. Reste intègre. Dieu va te récompenser. Ne te révolte pas contre Dieu. Il est dit, ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils l'irritèrent par leurs hauts lieux. Ils excitèrent sa jalousie par les idoles. Vous voyez, il y a un péché surtout qui est mis en exergue ici. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est le fait d'adorer, de se prosterner devant des idoles. Toi, je parle à quelqu'un. La Bible interdit de se prosterner devant des idoles. C'est de l'idolâtrie. Par exemple, lorsque tu t'en vas au village, tu fais des sacrifices, tu fais des libations. Tout ça, ce sont des pratiques idolâtres qui irritent Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se lance à l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aussi aimer quelque chose plus que Dieu. Ça fait l'idolâtrie. Quand tu commences à aimer l'argent, tu commences à aimer les biens de ce monde plus que Dieu. Tu es attaché aux biens de ce monde, tu es attaché aux voitures, tu es attaché aux habits plus qu'à Dieu. C'est de l'idolâtrie. Tout cela irrite Dieu. On dit, ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Et Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Vous voyez, quand Dieu s'irrite là, il peut prendre la chicotte. Et sa chicotte peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme de la maladie, il te jette dans un lit. Sa chicotte peut prendre aussi la forme d'un licenciement. Il t'a donné un travail. Depuis que tu travailles, tu ne donnes même plus ta dîme, tu ne donnes même plus les offrandes, tu ne soutiens plus l'œuvre de Dieu. L'argent que Dieu te donne, tu t'en vas en boîte de nuit pour boire avec des amis, avec des copines. Non, mon ami, si tu continues à faire ça, Dieu va te chicoter, il va te châtier pour te permettre, pour te pousser à revenir à lui. La Bible nous dit que Dieu fut irrité, il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité. Vous voyez, la captivité que Juda et Israël ont connue là fait partie du châtiment de Dieu. Pendant ce temps-là, Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour leur avertir. Ne faites pas ceci, ne vous livrez pas à l'idolâtrie, ils n'ont pas entendu. Je veux parler à quelqu'un, mon ami, écoute-moi bien. Dès que tu entres dans une église où on prêche la sanctification, tu quittes. Tu t'en vas voir les prophètes qui t'encouragent à vivre dans le péché. Mon ami, tu commets une grande erreur. Quand tu suis un pasteur qui te donne seulement des révélations, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Dès que quelqu'un prêche sur la sanctification, tu dis, non, je quitte cette église. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Un bon pasteur doit t'aider avec la parole de Dieu. Il doit prêcher la vérité. Ne pense pas qu'avec ton argent, tu peux acheter un homme de Dieu parce que tu as autant d'argent. Non, tu dois te repentir, sinon la colère de Dieu risque de te frapper. Israël a été déporté en captivité à Babylone. Qui l'eût cru? Les gens disaient, non, nous avons le temple avec nous, nous avons l'Éternel des armées avec nous. Mais Dieu a dit, le temple, il ne faut pas dire, nous avons le temple, nous avons le temple. Si vous ne vous repentez pas, je vais faire entrer une armée étrangère, l'armée des Babyloniens, l'armée de Nebuchadnezzar. C'est une façon de châtier Israël à cause de ce péché. Donc, le péché, la désobéissance entraîne des conséquences. Deuxième vérité, nous devons accepter la souveraineté de Dieu dans son choix. Vous voyez, très souvent, quand on parle de choix de Dieu, il y a des gens qui disent, en tout cas, ce n'est pas celui-là qu'on doit choisir. Même dans nos églises, quand par exemple on dit on va choisir un pasteur ou bien on doit choisir tel responsable pour s'occuper de l'évangélisation, pour s'occuper des mamans, pour s'occuper de la jeunesse. Souvent, il y a des gens qui sont révoltés. Pourquoi ce n'est pas moi qu'on a choisi? Pourquoi c'est celui-là qu'on a choisi? Pourquoi celui-là, lui, il est converti après moi? Moi, je suis ancien. Moi, j'ai fait 20 ans de la foi. Comment on peut choisir quelqu'un qui n'a que 10 ans de la foi? Le choix de Dieu, c'est un choix souverain. Dieu peut choisir qui il veut. Parfois, le choix de Dieu est différent de celui des hommes. Vous voyez, c'est ce que nous montre ce psaume. La Bible nous montre que Dieu a choisi Juda. Vous voyez? Juda ici, ça veut dire le royaume du sud. Vous voyez, quand il y avait division, il y avait royaume du nord qui avait Samarie pour capitale et le royaume du sud appelé Juda. Mais Dieu a choisi Juda où se trouvait la ville de Jérusalem pour y bâtir le temple. C'est un choix souverain de Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu a choisi Juda. Pourquoi Dieu a choisi? Non, c'est son choix souverain. Il est dit ici, au verset 67, « Cependant, il rejeta la tente de Joseph et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés. » Ça, c'est le choix de Dieu. Toujours en parlant des choix de Dieu, il a choisi David. Vous voyez, lorsque Dieu a repoussé Saül, il a envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe, le père de David. Le père de David ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui soit choisi comme roi. Il a fait passer son fils aîné Eliab. L'Esprit de Dieu a dit ce n'est pas lui. Il a fait passer tous les autres. Mais David, lui, il était en brousse. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend, écoute-moi bien, quand Dieu t'a choisi, même si les gens t'ont combattu, dans ton entreprise, dans ton service, il y a quelqu'un qui ne veut même pas que tu sois connu du DG, tu sois connu du conseil d'administration. Laisse-moi te dire, si tu es le choix de Dieu, on viendra te prendre même en brousse. Dieu lui-même va t'imposer. Dieu lui-même va te révéler. Dieu lui-même va te positionner comme il a positionné David, parce que tu es le choix de Dieu. Il est dit ici au verset 70, il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Donc nous devons nous incliner devant les choix de Dieu. Le choix de Dieu est différent du choix des hommes. Et toi qui as été choisi, quand les gens vont te combattre, Dieu lui-même qui t'a choisi, il va te positionner, il va t'imposer. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Thank you. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Élevons ensemble nos voix et nos mains. Glorifions son nom. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue avec toute l'équipe OSB. Nous encourageons tous ceux qui nous suivent, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit en dehors de la Côte d'Ivoire, surtout ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp. Veuillez partager OSB avec des amis, avec des parents, avec le plus grand nombre de personnes possible, afin qu'eux aussi puissent expérimenter la puissance de la prière. Nous rappelons que nous prions selon le psaume 78, versets 56 à 72. Voici quelques sujets des prières que nous vous proposons. Nous allons prier pour demander pardon au Seigneur pour toutes les fois que nous avons marché dans la désobéissance. Nous avons tenté Dieu. Nous nous sommes révoltés contre lui. Demandons pardon au Seigneur afin qu'il nous aide à marcher dans l'obéissance, à enlever l'esprit de révolte et à marcher dans la sainteté. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, ce matin, nous venons à toi pour te demander pardon pour tous les cas de révolte, tous les cas de désobéissance, là où tu as décidé un choix, là où tu nous as demandé de faire quelque chose et que nous n'avons pas fait, et que nous n'avons pas accepté le choix, que nous n'avons pas fait dans le temps ce qui convenait de faire. Aie pitié de nous. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ce matin, nous reconnaissons nos transgressions, nos erreurs, nos iniquités. Nous voulons nous débarrasser de ce moi. Nous voulons abandonner ces mauvaises idées, ces mauvaises pensées. Nous voulons détruire en nous tout ce qui a été la chair et qui a eu raison de nous, des pensées malsaines, des idées négatives contre notre prochain, contre nos frères, contre toi-même, où nous nous sommes rébellés. Nous renonçons à la désobéissance et toute forme de péché que nous entretenons, qui est dans notre cœur, que nous n'arrivons pas à abandonner. Et nous revenons à toi, à genoux, pour te demander pardon sincèrement de tout notre cœur en cette saison de fin d'année. Jésus, que ton sang nous purifie et nous restaure. Que ton sang nous aide à nous repositionner par ton esprit. Restaure, renouvelle, requinque-nous et accorde-nous, Seigneur, une nouvelle grâce en cette fin d'année pour que ce que tu as prévu pour nous, nous soit accordé encore. Parce qu'il y a encore de l'espoir pour quelqu'un. Merci Seigneur pour ce que tu es sur le point de faire dans la vie de quelqu'un. Nous te rendons grâce parce qu'encore une fois, dans notre faiblesse, nous savons que le secours vient de toi. Accorde le secours à quelqu'un et repositionne-nous pour l'avancement de ton royaume, pour un nouveau miracle, pour un nouveau signe, pour des prodiges et merveilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Amen. Nous venons de voir que la désobéissance entraîne le châtiment divin. Lorsque Judas a marché dans leur désobéissance, ils ont connu des conséquences. C'était la captivité. Il y a même des sacrificateurs qui étaient vraiment liés, qui étaient déportés en captivité. Il y a eu mort d'homme, les temples étaient détruits. Tout ça, ça fait des conséquences. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent des souffrances, des moments durs, qui sont en fait la conséquence de leurs péchés. Que Dieu se souvienne d'eux. Que Dieu les relève, surtout lorsqu'ils vont se repentir. Que Dieu les relève dans le nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Bénis ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père, pour la grâce que tu nous fais d'être en vie, l'honneur que tu nous donnes et d'être toujours dans ta présence, pour élever nos voix vers toi, nos mains vers toi, nos âmes vers toi, parce que c'est auprès de toi se trouve le salut, en Jésus-Christ. Merci ce matin. Nous voulons venir dans ta présence et t'apporter tous tes enfants qui souffrent à cause de leur désobéissance, des péchés. Ils en pâtissent. Ils souffrent, leurs familles souffrent. Leurs enfants souffrent, Seigneur. Mais ils viennent auprès de toi parce que tu as dit, c'est par la repentance qu'on obtient le pardon au niveau de tes enfants. Ils sont en train de se repentir, de se confesser et de te demander pardon. C'est auprès de toi se trouve le pardon. Nous sommes sous la grâce à cause du sang de Jésus-Christ, qui a un pouvoir de purification, un pouvoir de vie, un pouvoir de protection. Souviens-toi de leurs pleurs, souviens-toi de leurs gémissements, souviens-toi de leurs souffrances. Vers qui pouvons-nous aller pour avoir le pardon, la grâce? C'est auprès de toi, à cause du sang de Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Christ sur la croix. Tu as dit, tout est accompli. Honore ta parole, tu es dans ta parole. Bénis tes enfants. Libère-les, guéris-les, transforme leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à accepter son choix. Son choix souverain. Il choisit qui il veut. Il a choisi la tribu de Judas. Il a choisi David comme son serviteur. Si toi qui m'entends, tu te révoltes parce que tu dis celui qu'on a choisi comme directeur, ce n'est pas celui qui le mérite. Celui qu'on a choisi comme pasteur, ce n'est pas celui qui mérite. Celui qu'on a choisi a telle responsabilité. Acceptons les choix de Dieu. Il est souverain. Il choisit qui il veut. Prions le Seigneur au nom de Jésus. La force dans la prière, opération sur la prière. Seigneur, nous rendons grâce à ton nom parce que tu es un bon Père. Merci parce que tu as toujours qualifié les hommes qui ne méritent pas. Tu as toujours pris les hommes qui ne sont pas distingués, les hommes qui sont limités, les hommes qui ne sont pas approuvés même de leurs partenaires, de leurs amis, de leurs connaissances, de leur famille, et tu les as façonnés pour les positionner. Merci pour la position que tu as donnée à chacun de nous dans la vie. Que ça soit à l'église, que ça soit dans nos lieux de service, que ça soit dans les sociétés, dans les entreprises, que ça soit dans l'administration, partout, Seigneur, tu es à positionner tes enfants. Donne-nous, Seigneur, d'apprécier la position que tu as donnée à chacun de tes enfants. Donne-nous de reconnaître ce que tu as établi au milieu de nous, ce que tu as établi au-dessus de nous. Donne-nous d'être des canaux pour les aider à réussir leur mission. Que le moi, l'orgueil tombe de nos cœurs. Qu'ensemble, nous puissions travailler pour que toi qui es le Dieu des temps et des circonstances, tu continues d'établir les uns et les autres et encore élever tes enfants quand tu veux. Béni sois-tu pour l'orgueil de quelqu'un qui est brisé. Père, merci de donner à quelqu'un de renoncer au murmure parce que tel ou tel a été positionné avant lui ou est positionné sur lui. Éternel notre Dieu, donne-nous de te demander pardon et d'accepter ton choix, car tu es un Dieu des temps et des circonstances. Tu ne fais rien par hasard. Merci pour cette merveilleuse journée que tu nous donnes. Guéris le cœur de quelqu'un, guéris la vie de quelqu'un, soulage la vie de quelqu'un, libère, délivre. Merci Père pour ton esprit qui nous accompagne pour faire des exploits encore aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que nous vous attendons tous à notre grand rendez-vous de fin d'année. Tous ceux qui prient OSB chaque matin, tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp avec leurs amis, invitez même quelqu'un qui ne connaît pas Fréquence Vie, qui ne connaît pas Jésus. Nous serons tous à notre grande rencontre. Nous allons faire donc du live spécial OSB Action des Grâces, où nous allons venir écouter des témoignages, où nous allons louer le Seigneur, nous allons lui dire merci pour l'exaucement de nos prières, et chacun de nous viendra avec une offrande spéciale pour les 12 mois, pour ce que Dieu a fait pendant les 12 mois de l'année 2019. Nous appelons ça OSB Action des Grâces. Ça va se passer à l'auditorium de la mission Ephrata, sur la route de Bengeville, Riviera Faya, juste derrière le carrefour Place qu'on appelle communément Carrefour. L'entrée est libre, samedi 28 décembre 2019, dernier samedi de l'année, à partir de 9h. Mais il faut être là déjà, à partir de 6h, les portes seront ouvertes. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons.